Ouais. Depuis le temps que je suis sur les nerfs, je commence à trouver le temps long. Il s'agit d'y croire même si la poisse me laisse dans l'ombre. Dis-moi franchement, la réussite se fait par quel miracle? La route est longue et je sais pas trop de quelle manière on la terminera. C'est l'histoire de deux frères qui se connaissent depuis leurs 17 ans, qui rappent au bord du gouffre et qui soutiennent pour ne pas glisser dedans. Les nuages qui s'étendent ont fait que ma vie s'est assombrie. Au moins je suis libre et je pense à R2 qui squatte à la zombie. À celui qui a pas son fric alors qu'il doit payer ses loyers, qui sent que la fin approche sans même pouvoir s'en éloigner. Je suis fort mais j'ai le profil du gars qui sent mal dans sa tête. Il s'agit de parler de ma vie, aussi emmerdante soit-elle. J'ai marqué sur papier tous les aspects de ma personne, les forces, les faiblesses. Dans une guerre que je dois faire seul, j'ai les épaules solides, je peux soulever des montagnes. J'ai pas pris l'ascenseur et toutes ces marches, on les montra. Je fais pas ça pour plaire et bizarrement, j'ai des pensées que tu as. J'ai des valeurs précieuses et je la retrouve pas souvent dans celle du rap. Ça parle de rue et tu t'y retrouves parce que c'est de là que tu viens. Ça fait zizir quand on vient me check et qu'on me dit que ça tu viens. Je me suis fait bouffer par une sorte de colère. Salut, je m'appelle Saké, 24 ans, ravi de me connaître. M'apprête à changer la donne, je suis là pour lancer l'album. Faut tenter sa chance car on sait jamais quand c'est la bonne. Saké, oui, c'est ta K.A. On vient péra, donc lever les bras. Dès le départ c'était pas gagné, on admet. Maintenant tu peux reconnaître la vibe qu'on amène. Honnêtement, on a plus de temps à perdre. Regarde-nous 10 ans après, on est toujours dans l'affaire. On a défiguré le rap, vite à peine un visagiste. Écoute bien les acariens, t'auras compris de quoi il s'agit. J'ai le rap comme exutoire, donc je me défoule à chaque prise. Les acariens, oui, Rasaké, c'est le commencement de notre chapitre. Je me vide les tripes, d'ailleurs je suis pas prêt de m'arrêter. Normal, mon gars, je compte pas sombrer dans la précarité. On m'a dit vite ta passion, je me suis mis au diapason. Résultat des cours, je suis déprimé quand y'a pas de son. Moi je vais exploser les quotas. Pour réussir, il est pas trop tard. On a les gros, on est de la race des gros dalles. C'est pour auditeurs, c'est auditrices. On garde une vibe positive sur un air aussi triste. Je relativise parce que le rap me fait pas graille. C'est pas grave, ça fait un bail que le milieu est en pagaille. On a mis un pied dans le piste, donc c'est pas pour le retirer. Nous, on persévère toujours, c'est ça que vous leur direz. Je rappe pour tout le monde, j'attends impatiemment que la chance bascule. Je te remercie si tu me soutiens, c'est pour toi que j'en place une. Nous critique pas ta langue, fais la tournée cette fois. On sait bien que la route sera longue, on a ce qu'il faut dans le réservoir. Si je fais des erreurs, je serais vénère qu'on me le dise pas. Mais bon, je regrette rien, moi je suis un peu comme Edith Pia, frérot. Je vais au fond, c'est pas mon genre de pas trop en retraite. Comment veux-tu t'en sortir ici lorsqu'il n'y a pas d'entraide? Y'a trop de jaloux et va savoir ce que ces pédales nous reprochent. Pas grand chose mais je suppose qu'ils n'ont pas d'amour. Saké, Ouira, Zeta, Kara. On vient, Péra, donc lever les bras. Dès le départ c'était pas gagné, on l'admet. Maintenant tu peux reconnaître la vibe qu'on amène. Honnêtement, on a plus de temps à perdre. Regarde-nous 10 ans après, on est toujours dans l'affaire. On a défiguré le rap, vite appelle un visagiste. Écoute bien les acariens, t'auras compris de quoi il s'agit.